Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Elle prenait parfois les souvenirs de sa mère pour les siens propres. Pour autant, elle fut capable, et comment, de raconter sa mémoire du siècle, sa naissance dans le luxe, la fortune perdue par les parents, et nombre de ses rôles au cinéma comme au théâtre. On l'imagine bien en soubrette, Paulette Dubost. Tintin les plumettes, on ne laisse rien, disait Paulette Dubost dans l'émission. Et si, justement, on laisse l'émission qui suit, diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 novembre 1992. Mémoire du siècle, Paulette Dubost, par Eliane Contini. Paulette Dubost, pour les cinéphiles, c'est la soubrette de la règle du jeu, le chef-d'œuvre de Jean Renoir. Son minois, sa gouaille, firent d'elle à jamais la petite française pleine de vie et d'esprit. Mis à part Renoir, elle a travaillé avec quelques grands, comme Max Ophuls ou Louis Malle. Elle a été la partenaire de Fernandel, de Gabin, de Buster Keaton, de Brigitte Bardot, en sautant d'un film à un autre, sans voir passer le temps. Dans ses souvenirs, elle l'évoque, ce temps qui emporte tout, depuis la rencontre de ses parents sur la première ligne du métro entre Vincennes et Neuilly, en passant par un dîner aux côtés d'Hitler jusqu'à son mariage. Elle épingle beaucoup de monstres sacrés, elle en célèbre d'autres. Enfin, elle croise des figures de légende, comme Sacha Stavisky, l'escroc romantique qu'elle aurait pu épouser. Des comédiens, à part quelques artistes. Alors, la comédie, tout le monde peut jouer la comédie. Mais la danse classique, c'est un métier qui s'apprend et qui est très dur. Moi, je suis rentrée à l'opéra, j'avais 8 ans, et je suis de la promotion de la grande Lisette d'Arsonval. Et il y avait Odette Joyeux avec moi, Josette Deck. Je pense que vous avez connu aussi cette ravissante Josette Day. Et alors, lorsque j'ai tourné le rôle de la servante de Lola Montez, j'ai souffert mille morts parce que Martine Carole qui pouvait pas mettre un pied devant l'autre. Alors de penser que ce rôle aurait pu m'être attribué à moi qui suis danseuse et que celle qui l'avait savait pas. D'ailleurs, elle a été merveilleusement doublée hein, dans le film. Ça, vraiment, Fulce avait tous les moyens possibles et imaginables. Dans la Montez, nous avions à Munich, où nous sommes restés 3 mois, il avait pris tous les cirques d'Allemagne. On en avait, je crois, une quinzaine de cirques dans les studios de Munich, qui sont très importants. Vous connaissez les studios de Munich? Et alors, il prenait le meilleur numéro de chaque cirque. Alors vous, Paulette Dubost, vous devez la Paulette, vie... Paulette, tout court. Oui, qu'est-ce que... Ah, Paulette, tout court, ah oui, personne ne m'appelle Paulette Dubost. Donc Paulette, vous dans devez... Dans la rue, tout le monde m'appelle Paulette, tout le monde m'embrasse. Ah, vous permettez que je vous embrasse. Combien de maris vous avez perdu, 29 des Vous êtes maris? Veuve de combien de maris, 29 Oui, ça doit en faire 28 ou 29 avec, hélas, Pierre Dux qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et c'est une brave dame qui est venue au Théâtre des Amandiers où j'étais chez Patrick Chéreau, où, je jouais, où j'ai eu l'honneur de jouer avec le grand Didier Sandre, Ivanov de Tchekhov. Et ça, c'est du théâtre, parce que j'aime pas le théâtre tellement, il faut bien le dire, mais ça, c'était du vrai théâtre, parce que nous avions des vrais arbres, nous avions de la vraie pelouse, on avait une vraie maison. Où le bouton de la porte vous restait pas dans la main quand on fermait la porte. Et ça a été une chose dans ma vie très importante. Alors, vous avez effectivement perdu beaucoup de maris au cinéma. Vous avez eu beaucoup de louches à la main. Vous avez soulevé beaucoup de couvercles de serpillères. Oui. Ah oui, oui, oui. Même dans un film, je devais servir la soupe à toute la famille. Et je me suis arrêtée en pleine scène en disant, mes enfants, on a déjà tourné ça. C'était dans un feuilleton, vous savez, les feuilletons qui se tournent vraiment sur les chapeaux de roue très, très, très vite. Et on m'a arrêté, on me dit non, non, non, on n'a pas tourné cette scène-là encore. Alors je fais, ah bah oui, vous avez raison, c'était dans le film d'avant. Paulette, vous êtes c'est comme le coup des poireaux. Quand il y a une ménagère au cinéma qui a un cabas, automatiquement, on lui fout des poireaux. Alors je me suis révoltée. Un jour, j'ai dit, écoutez, moi je fais mon marché tous les jours. Je vais au marché tous les jours. J'achète quelquefois des poireaux, mais enfin, j'achète autre chose. Mettez-moi, je sais pas, des blettes, des navets, des carottes, mais... Remarquez-le, c'est toujours le poireau qui dépasse. Donc, comme au théâtre, par exemple, le théâtre de boulevard, indéniablement, ça, on ne peut pas dire le contraire, il y a l'inévitable canapé avec la petite table basse, le verre de whisky, quelquefois le téléphone. C'est assez limité, hein, il faut bien le dire. Paulette, vous êtes née en 1911 et vous devez... Non, 10. 1910. Oui, je ne sais pas pourquoi on a mis ça, paraît-il, sur le quid, un an de moi. Alors que je me rajoutais toujours des années. Je prenais même les souvenirs de ma mère pour les miens. Par exemple, il m'arrivait des fois de parler de Réjeanne ou de la belle Otero ou de Max. Alors on me disait, mais vous avez connu tous ces gens-là, Yvette Guilbert, tout ça. Mais je disais, non, c'est vrai, c'est pas moi, c'est maman. Mais vous savez, j'étais tellement... intégrée avec ma mère, je ne faisais qu'une seule et unique personne. Et souvent, on me disait, mais n'aviez pas de copine parmi les comédiennes? Ben, je disais non, parce que ma mère, elle toute seule, remplaçait 30 copines. Vous devez la vie au métro? Oui, au métro, qui était une curiosité, évidemment, à l'époque. On allait prendre le métro, comme maintenant, on irait dans la Lune, vous voyez. Et c'est très curieux. Moi, je crois beaucoup à la fatalité, les choses écrites. Je dis que je suis téléguidée. Va où tu veux, meurs où tu dois. Et les rencontres en amitié, en amour aussi. Puis les coups de foudre, alors en amitié et en amour, ça existe. Hein. Alors ce métro, c'était inattendu que vos parents se rencontrent dans le métro? Ah oui, très inattendu, vraiment. Alors, vous voyez, après, je l'ai pris beaucoup, le métro, dans ma vie. Mais maintenant, j'évite, parce que ça devient dangereux. Si on en revenait comme à vos parents. Dans les parkings aussi, on m'avait dit, vous savez, dans les parkings, on viole. Alors, j'y allais, mais Tintin les plumettes, rien du tout. Alors, j'y vais plus. Alors, ils avaient tous les deux, vos parents, une voiture avec chauffeur. Oui. Votre grand-mère était une cocotte. Oui. C'était peu après 1900. La grande cocotte, oui. Et justement, donc, il y avait cette fameuse ligne Vincennes-Neuilly qui venait d'être creusée. Et vos parents sont descendus pour visiter. Et c'est là, donc, alors qu'ils roulaient avec des grandes voitures, qu'ils se sont rencontrés. Mais oui, oui. Et vous êtes née... Dans le luxe. Dans le grand, grand luxe, mais vraiment le super luxe, avec femme de chambre, cuisinière, valet de chambre et tout le bazar. Et alors dans un appartement somptueux, rue Georgeville, et au bord d'un lac. Alors ça, tout le monde me dit, avenue Victor Hugo, un lac. Même des gens qui habitent le quartier ne connaissaient pas ce lac, qui fait des grands, grands murs, vous savez, comme la prison de la santé. Et puis les gens, c'est très drôle, passent devant. Forcément, on passe en voiture, même. Et on ne s'inquiète pas de savoir ce qu'il y a derrière. Hein. Et ce sont les réservoirs d'eau de la ville de Paris. Et maman disait toujours qu'il y avait des clairs de lune, des pêcheurs, c'était ravissant. Ouais. Votre grand-mère était une cocotte, mais votre maman n'était pas du tout intéressée par la sexualité. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle était comme la plupart des femmes, enfin je ne vais pas me mettre mal avec les bonnes femmes, mais la plupart des bonnes femmes sont frigides, il y en a beaucoup. Et comme c'est très facile de donner le change, hein, nous les femmes... N'est-ce pas, messieurs? Comme on dit, il est plus facile de rester la bouche ouverte que le bras tendu. Mais ceci dit, Ma mère était une femme adorable et qui aimait beaucoup mon père, ceci dit. Elle aimait mon père, elle l'aimait d'affection, elle l'adorait. Je n'ai jamais, par exemple, entendu mes parents se disputer. Ouais. Jamais. Il faut dire que mon père avait un caractère en or, j'ai hérité de lui. Et d'abord, ma mère était sa quatrième femme légitime, sans compter les illégitimes. Ouais. Alors évidemment, il avait pris l'habitude de s'écraser comme on a. Non, mais ma mère était une femme très prenante, très attachante, de toute façon. Vous avez vu quelque chose autour de la guerre de 14, puisque vous êtes née dans le luxe, mais après, ça s'est vite arrêté, le luxe. Ah ben, le luxe, oui, et puis vous savez ce que je dis toujours, c'est que quelqu'un qui n'a pas connu l'aisance, qui n'a pas connu les belles choses, il s'en fout s'il l'a pas, parce qu'il l'a pas connu. Moi, je me souviens, par exemple, d'une tournée merveilleuse, d'ailleurs, que j'ai faite plusieurs en Afrique noire. Je connais bien l'Afrique noire. Et je voyais toutes ces femmes splendides, d'ailleurs, qui se déshabillaient, qui lavaient leur linge dans la rivière, elles les faisaient sécher sur le bord de la rivière, puis elles se rhabillaient après. Elles étaient gaies, elles chantaient, elles étaient heureuses. Toutes ces peuplades, que ce soit au Mexique, que ce soit au Liban, que ce soit... D'abord, nous, j'ai toujours vu des gens primitifs, des gens qui étaient heureux, qui chantaient. Bah, allez donc place de la Concorde aujourd'hui ou rue d'Aboukir, vous verrez la gueule qu'ils font les gens. Moi, je passe ma vie, je sors beaucoup, je suis beaucoup dans la rue, partout, et j'arrête les gens, parce que tout le monde me connaît et on m'aime bien. Je les arrête et je dis, ça va pas ? Alors, apparemment, vous avez vos deux bras, vos deux jambes, votre tête, qu'est-ce qu'il y a qui va pas ? Allez, dites-moi tout. Ah, mais si, ça va. Eh bien, alors, j'ai dit, montrez-le, souriez, la vie est belle. Même quand il pleut, c'est beau, la pluie. Pour vous, la vie a été belle, Paulette ? Très. Merveilleuse. Et j'aime beaucoup mon époque. Je trouve que j'ai vécu... j'ai vu le balbutiement d'un tas de choses. J'ai vu le début des voitures automobiles. Je me souviens très, très, très bien du premier envol de l'avion à Ardelot. Très, très bien. Vous pouvez le raconter ? Vous avez raconté. C'est un gros oiseau qui s'envolait... Et j'étais surtout dans les jupes de ma mère, parce que ça faisait du vent. Mais c'était très, très spectaculaire, forcément. Il y avait un monde fou, je me souviens qu'il y avait énormément de monde. Et vous savez, sur cette côte, là où je continue à aller, à Fort-Mahon, il y a beaucoup d'Anglais, énormément d'Anglais. Et je me souviens très bien que pendant la guerre de 14-18, j'allais demander aux soldats anglais « cigarette pour papa, cigarette pour papa ». J'allais déjà mendigoter. À l'époque, donc, vos parents avaient perdu leur fortune. Ah bah oui, oui. Ça, alors là, ça a été la débâcle. Alors, je me suis retrouvée même chez une amie de ma mère à Vitry-sur-Seine. Elle nous avait hébergés, ma mère et mon père avaient la chambre de notre amie. Et moi, je me suis retrouvée dans un placard à balai avec un lit pliant. Alors, vous voyez, ça, c'est vraiment le... Et tout ça est resté très gravé dans ma mémoire. Mais ce qu'il y a de merveilleux, voyez-vous, c'est que je n'en ai jamais eu vraiment une aigreur, ni ma mère non plus, ni mon père non plus. Pourtant, votre mère aimait... On a pris ça très bien. Votre mère aimait beaucoup vivre dans le luxe, elle avait toujours besoin d'argent. Ah ben oui, ça, elle en a eu du jour où j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler à 8 ans, donc à l'opéra, où je gagnais 5 francs par soirée. C'était un très beau cachet à l'époque. Je me baladais rue de la Paix pour voir ce que je pouvais en faire. Et j'ai toujours gagné ma vie, alors vraiment, et bien. Très, très, très, très bien. Pour vous, le cinéma, ça a été une manière d'être payé à ne rien faire ? un petit peu. Quand je dis ça devant mes copines, je me fais engueuler parce que je dis que le métier de comédien, c'est un peu un métier de paresseux parce que on vous dit bon, bah. C'est pas encore à vous, vous restez dans votre loge, on viendra vous chercher. Il y a des moments difficiles, comme par exemple le film que je viens de tourner au Portugal. Là, ça a été très très dur parce qu'on avait 40 degrés et qu'il fallait courir sans arrêt. Alors à 81 ans, courir tout le temps, marquez que, Dieu merci, j'ai encore des bonnes jambes. C'est ce que j'ai de mieux dans la figure d'ailleurs. Mais il y a des moments agréables, puis il y a des moments. Mais le métier de comédien, je trouve, n'est pas à comparer avec les techniciens. Vous savez, j'ai vécu 18 ans avec un assistant metteur en scène. Alors, un film, eh ben, pour un technicien, il y a la préparation. Et le technicien, il est là tout le temps sur le coup. Et c'est un boulot comme vous, comme dans votre métier. Hein, c'est pas. C'est pas de la tarte. Nous, on vient comme ça, puis on passe. Et puis, non, le plus grand boulot, vous savez, dans notre métier, c'est de chercher du travail. Ça, croyez-moi, les couloirs de la télévision, j'avais surnommé ça les couloirs de la honte. Car il n'y a rien de plus humiliant que d'aller dans un endroit pour avoir du boulot et de voir distribution terminée. Il n'y a plus de figuration, enfin des choses comme ça. Et moi, je n'ai pas eu à me plaindre parce que les gens m'aiment bien, je vous dis, et je le conçois et j'en suis sûre. On me disait souvent, ben, Paulette, si on a besoin de toi, on sait où te trouver et tout ça. Mais comme je sais que nous ne sommes pas irremplaçables, hein, et que pour un rôle, nous sommes 30 sur les rangs, hein, alors faut pas. Vous savez, il y a beaucoup dans ce métier de gens qui croient, comme j'ai inventé cette devise, avoir sucé la tour Eiffel pour qu'elle devienne pointue. Et je les fais dégringoler de leur piédestal, car je leur dis aux comédiens, nous ne laissons rien. Et quand on me dit, oh mais il y a des cassettes, tiens, je t'en fous, les cassettes, ça s'efface. Moi je le vois avec mon gendre, quand il a besoin d'une cassette et qu'il n'en a pas, paf, il efface un truc, hein. Eh bien, nous, ce sera la même chose. Tintin, les plumettes, on ne laisse rien. Tenez, l'autre fois, j'ai fait un test dans la rue. J'ai demandé à quelqu'un, brûle-pourpoint comme ça, un monsieur qui pensait que je ne connaissais pas. Je lui ai dit, pardon, monsieur, est-ce que Alfred Adam, ça vous dit quelque chose? Il m'a regardé, il m'a fait, ah, vous me dites quelque chose, mais Alfred Adam, je demanderai à ma femme. Oui, et c'est pas vieux, c'est pas, il y a pas 50 ans qu'il est mort. C'est comme une amie de ma fille qui a 50 ans, et ma fille, vous lui parlez de Gaby Morlaix, elle a jamais vu Gaby Morlaix, ma fille. Elle a 50 ans, mais elle sait pas du tout qui est Madame Gaby Morlaix. Et mes petites filles, quand elles sont en âge d'avoir leurs idoles, bah, de par Dieu, tout ça, elles en auront rien à foutre, hein. Et puis c'est normal. On a chacun, alors, il ne faut pas se croire. Les peintres laissent des peintures, même mauvaises. Des musiciens laissent des musiques. Hein, des écrivains laissent des écrits. Mais les comédiens, à part évidemment quand on a la chance d'avoir La Règle du jeu, qui est vraiment le film, le chef-d'œuvre mondial. Alors justement, La Règle du jeu, bon, c'était Renoir. C'était en 1939. Oui, juste avant la guerre. Et Renoir m'avait signé un contrat avec Carette. Il nous avait signé un contrat tous les deux, Carette et moi, pour Ali Baba et les 40 voleurs et le journal d'une femme de chambre qui voulait absolument que je fasse. Ça, j'ai été très désolée de ne pas faire ça. Et quand il l'a fait en Amérique, ça a été un bide noir. J'étais contente. Ah bah oui. Ah bah c'est normal. Hein. Oui, je ne vous laisse pas beaucoup parler. Hein, Germaine. C'est à vous de parler. Ben non, excusez-moi. Non, je disais la règle du jeu. Comment? Quel souvenir vous avez de La Règle du jeu? Oh, ben des tas de souvenirs. C'est-à-dire que je sortais d'un cinéma statique où les comédiens étaient les chargeurs réunis. Et je trouvais en Jean Renoir, d'abord lui, un comédien merveilleux, qui a été très critiqué à la sortie du film. Et maintenant, il s'avère qu'on le trouve merveilleux. Mais ça, il n'y a pas que dans La Règle du jeu. Moi, je me souviens que Brigitte Bardot, ses premiers films que j'ai adorés tout de suite, Ma mère disait, oh oui, cette fille qui joue avec son cul. Et quand on lui disait, mais tu l'as vue? Ah non, je ne vais pas la voir. Ça, c'est comme les gens qui vous disent maintenant, oh, le cinéma d'avant la guerre. Oh là là, c'est pas... Et les films maintenant, bon, on n'y va pas. Ah non, c'est trop. Mais... Mmh. Et bien, c'est ça, vous comprenez? Les gens vous disent... sans avoir vu, il porte des jugements et c'est absolument insupportable. Et vous, vous trouvez que justement ces comédiens d'avant-guerre, vous ne leur trouvez pas beaucoup de qualité? Vous dites qu'ils déclamaient. Non, ils déclamaient. Mais attention, ces mêmes comédiens viendraient maintenant. Ils seraient très bien parce qu'ils auraient affaire à des réalisateurs comme ceux de maintenant. Tous les jeunes réalisateurs sont des gens qui donnent leur avis, qui disent quelque chose. Tandis que dans le temps, comme ces comédiens qui venaient du théâtre, qui étaient des monstres sacrés, mais on n'osait pas leur dire rien. Ils avaient leur bon profil. Moi, quand j'arrivais sur un plateau, on me disait toujours « t'as un bon profil ». Je disais non, pourquoi? Ah ben tant mieux, parce que... Bon, mais vous comprenez, le réalisateur, dans le temps, il ne disait rien, il ne mouffetait pas. C'est tout juste si le comédien ne disait pas « mets la caméra là », et en principe, toujours de face. Ouais. Donc, c'était les comédiens qui, finalement, étaient les plus... qui dirigeaient les films. Mais oui, puis ils jouaient au cinéma comme on jouait au théâtre. Or, quand un journaliste me pose cette question idiote, et malheureusement ça arrive, que préférez-vous, le théâtre ou le cinéma? C'est vraiment le jour et la nuit. Vous voyez, au théâtre, si vous dites, comme on le fait au cinéma... mon chéri, je t'aime, ben on ne le comprendrait pas. Il faut gueuler, il faut forcer, il faut donner une... Vous voyez, c'est très différent. Mémoire du siècle, Paulette Dubost. Que le siècle a beaucoup de bonnes choses. Il y en a des mauvaises. Il y en a qui pourraient être évitées, disons. Et je m'émerveille. Même à 82 ans, dans quelques jours, je m'émerveille des facilités qu'il y a maintenant. Mais il y a les inconvénients aussi, parce que nous avons des voisins qui ont tout électronique. Un jour, ça s'est mis en panne, ils n'ont pas pu rentrer chez eux. Ils ont été obligés de retourner dans leur maison de campagne. Allez donc, je viens de me taper la synchro du film là, que j'ai tourné au Portugal. Oh, qu'est-ce que j'ai pu souffrir. Oh, toute la semaine dernière, j'ai été obligée de me voir. Oh, malade, j'en étais malade. Vous ne supportez pas de vous voir? Ah non, même à la télé, si je sévis dans une émission, je monte au second, voir un autre programme. Et pourquoi? Ah ben ça, je ne sais pas, c'est comme ça. Alors que la plupart de mes camarades s'aiment beaucoup. Alors, j'aimerais que vous me parliez de ça. De s'aimer. Paulette. C'est-à-dire que si je m'aime beaucoup, je m'aime moralement beaucoup, pas physiquement, mais moralement, je me dis, je peux monter au ciel tout droit, ça j'en suis sûre. À propos d'amour, Sacha Stavisky, ça a été, vous avez été un de ses amours, en tout cas. Et vous avez aimé. Oui. Mais vous savez, j'avais 14 ans, et si j'en avais eu 20 à l'époque, ça, je me serais laissé faire. Hein, parce qu'on comprenait très bien qu'il ait ensorcelé le monde qu'il a ensorcelé, parce que c'était vraiment le charme slave. Alors, j'ai rigolé, parce que quand j'ai vu le film avec Bebel... qui était vraiment physiquement l'opposé de Stravinsky. C'était vraiment l'opposé, c'était le séducteur russe, vous avez le charme slave, quoi. Mais c'était alors, comment il était? C'était un escroc, c'était quoi? C'était un grand, quand je l'ai connu, il n'était pas escroc, il était le créateur, chose que personne ne sait, il était le créateur de la poule au pot et des bouillons cubes. Et les lettres d'amour que j'ai ont comme en tête au petit pot. Et le fils Stavisky, qui est venu me voir depuis la parution du livre, qui ressemble à son père comme deux gouttes d'eau d'ailleurs, et il ignorait que son père avait créé les bouillons cubes. Et c'est alors, comment ça a changé après? Comment il a changé? Ah, bah alors ça, je ne le voyais plus, parce que vous savez, ça a été très éphémère, étant donné que lorsque ma mère a appris ça, qu'il y avait le manteau de petit gris et qu'il faisait des cadeaux et tout ça, ma mère a failli tuer ma grand-mère, quoi. Ça a été dramatique. Si ma grand-mère n'est pas passée par la fenêtre, c'est que vraiment, il y a eu un bon Dieu pour elle. Elle ne supportait pas l'idée qu'il ait pu vous embrasser sur la bouche? D'abord, parce que pour ma mère, le baiser sur la bouche, c'était un échange de microbes. Il fallait se laver la bouche avec de l'eau oxygénée. Ah oui. Vous voyez, ça va très loin, ça. Son dégoût de... Elle adorait les hommes, puisqu'il y en avait beaucoup autour de nous et que la maison était toujours pleine à craquer. Lorsque mon mari est venu demander ma main, il m'a fait... Mais chez vous, c'est la gare. Parce qu'il y avait toujours une cour. Ma mère, vous savez, aimait avoir du monde. Mais il fallait qu'on soit copains. Bon, les copains, ça allait. Mais aussitôt que ça virait un peu à autre chose, c'était l'horreur. Et quand j'ai embrassé un garçon à l'opéra et que j'avais du rouge, barbouillé parce que j'étais maquillée pour la scène, et ma mère m'a fait cette réflexion. Et je lui ai dit, maman, mais... tout bêtement, il n'y a pas de mal à se faire du bien. C'est, j'aurais dit ça comme j'aurais mangé une galette des rois ou un truc qui me semblait agréable. Car il faut bien le dire, c'est une chose agréable. Et je regrette aujourd'hui de ne pas en avoir profité, c'est ça, et que je ne peux pas remettre le compteur à zéro. C'est pour ça que je dis aux jeunes, profitez-en. Et je suis ravie que les jeunes fassent l'amour de bonne heure. Parce que quand c'est fini et qu'un homme ne vous regarde plus dans la rue, c'est d'un triste. Moi, on me regarde parce qu'on m'aime bien pour le cinéma, mais j'ai des copines, enfin des relations, disons, des femmes qui vieillissent mal et qui souffrent qu'on ne les regarde plus, un homme qui ne croise plus votre regard. Mm-hmm. Ça, je comprends que c'est beaucoup plus triste, ça, vous voyez, que d'avoir des rides. Parce que, bon, bah, les rides, on les a, puis, bon, bah, faut s'accepter comme on est. Mais ça... qu'un homme ne vous regarde plus à partir d'un certain moment, c'est vraiment très... c'est déchirant. C'est court, la vie? Ah, diable, oui, alors c'est court, la vie. Parce que moi, je me couche le soir en me disant, j'ai pas fait ça, les journées passent trop vite, hein. On a le temps de rien faire. Et lorsque je vois des gens qui s'emmerdent dans la vie, ben, je dis, alors je sais pas comment vous faites, parce que j'aime autant vous dire que c'est pas mon cas. Pour en revenir à Stavisky, qu'est-ce qu'il était devenu à la suite de sa déclaration d'amour avec vous? Ah, ça, alors, nous l'avons perdu de vue. Mais je sais qu'après, nous l'avons retrouvé. Il s'appelait Monsieur Alexandre. On ne pouvait pas ne pas le reconnaître, mais personne ne le reconnaissait. Ça, c'est comme les Allemands. Moi, j'ai tourné pendant 15 ans à Berlin. Tout le monde était hitlérien. À Hitler, tout le monde levait la main. Puis quand je suis retournée après la guerre, il n'y en avait plus un seul. Ça aussi, ce sont des choses qu'on s'explique mal. Hein. Mais le coup de Sacha Stavisky, il est parti probablement aux Amériques. Et puis il est revenu. Il était amoureux fou d'une grande chanteuse merveilleuse. Et il a acheté l'Empire. Il a acheté le Théâtre de l'Empire. Et il a remonté ce spectacle pour elle. Et en arrivant le soir de la générale, j'ai dit à maman, je l'ai reconnu tout de suite. Mais enfin, il n'était pas question d'en faire mention. Hein. Et vous n'avez jamais cru à sa mort? Non, son fils non plus d'ailleurs. Et je crois qu'il a des preuves comme quoi son père n'a pas été... Vous savez, il y avait tellement de compromissions là-dedans qu'on avait intérêt à le... Mais c'était pas un gars à se suicider. Il faut être idiot pour se suicider. Or, il était pas bête. Pour faire ce qu'il a fait, escroquer des millions de gens, faut être... on aurait dû le foutre à la tête du gouvernement, ce mec. Hein ? Vous croyez pas ? Moi, je trouve que les gens comme ça, on devrait les utiliser. Et alors, on l'aurait fait disparaître, alors, d'après vous ? Bah, je ne sais pas très bien comment ça s'est passé, mais certainement qu'il y a eu une petite mise en scène, une magouille, hein, sûrement. Mais vous, vous dites que vous pensez l'avoir revu ? Ah oui, oui, à Casablanca, oui. Beaucoup plus tard ? Ah oui, beaucoup, beaucoup plus tard, je pense bien. À peu près à quel moment ? Je jouais La Petite Hutte, vous situez l'année à Casablanca. J'ai fait tellement de tournées, j'en ai joué tellement. À peu près, quoi ? C'était avant la guerre ? Ah non, non, non, c'est après la guerre. Les années folles, vous les avez connues ? Ah bah oui, tu parles, et comment ? Ah oui, ça, ça a été une époque extraordinaire, entre les deux guerres. Oh, bon, ça, alors, merveilleux. Le Charleston, les concours d'élégance automobile, les soirées, les robes du soir. Moi, je changeais de robe du soir à chaque gala. Toutes les maisons de couture se battaient pour nous habiller. Maintenant, on n'a pas une fringue. C'est très difficile de se faire prêter une robe. Mm-hmm. Puis j'essaye même pas, parce qu'on a l'air ridicule si on est balancé en robe du soir. On vous regarde comme une espèce de curiosité. Vous étiez amie avec Miss Tinguette ? Ah, très. Elle voulait que je la remplace. Elle me disait toujours, toi, t'as mes gambettes. Et c'est pas évident, vous savez, de descendre un escalier avec 50 kilos de plumes sur la cabèche. J'ai essayé, je me suis cassé la gueule gentiment. Au Folies Bergère, Derval m'avait fait faire un essai. J'ai tout de suite compris que c'était pas ma tasse de thé. Mais Miss Tinguette était une femme merveilleuse. Il y a des tas de choses à dire sur elle. C'est une femme qui avait toutes les qualités. Elle avait un gros défaut, elle était très avare. Mais ça, il y en a beaucoup, hein, de gens avares. Oui, c'est moi, me voilà, je me ramène. J'ai vu London, j'ai vu Turin, l'Autriche-Hongrie. Mais de Vienne, il fallait que je revienne. Car je ne peux pas, moi je vous le dis, me passer de Paris. Ce Paris qui pourtant vous chine tant et tant. On dit que j'aime les aigrettes, les plumes et les toilettes. C'est vrai. On dit que j'ai la voix qui traîne en chantant mes rengaines. C'est vrai. Lorsque ça monte trop, moi je m'arrête. Et d'ailleurs on n'est pas ici à l'opéra. On dit que j'ai le nez en trompette, mais je serais pas Miss Tinguette si j'étais pas comme ça. Que c'est bon quand on vient d'Amsterdam et qu'on a vu pendant les mois des tas de pays. De retrouver le macadam de Paname, ses autobus et son métro et ses taxis. Paris et ses boulevards avec tous ses bobards. On dit que j'ai de grandes connotes, que je n'ai que trois notes. C'est vrai. On dit que j'aime jouer les arpètes, les marchandes de violettes. C'est vrai. Mais ne voulant pas chipper aux grandes coquettes, leurs dames aux camélias, moi je vends mes bégonias. On dit que j'ai de belles gambettes, mais je serais pas Miss Tinguette si j'étais pas comme ça. On dit quand je fais mes emplettes, quand je paye pas ce que j'achète. C'est vrai. On dit partout et l'on répète que je lâche pas mes pépettes. C'est vrai. Mais si elle faisait comme moi pour sa galette, Marianne n'aurait pas un budget aussi bas. Et si l'on mettait à la tête des finances Miss Tinguette, on n'en serait pas là. est-ce que pendant les années folles, on sentait, vous avez-vous senti venir la guerre de 40? Ah bah tu parles, bah, je comprends, je l'ai senti. Alors là, comme je sens la blanquette que j'ai préparée tout à l'heure, moi vous pensez, il fallait vraiment être des gens du gouvernement pour pas s'en rendre compte. Je me souviens que le pauvre Larquet, un jour, est revenu à Paris en disant « moi je vais aller les trouver pour leur dire qu'ils se préparent à la guerre, voyons ». Mais c'était vraiment comme le nez au milieu du visage. On voyait. Vous pensez qu'il y avait le plat unique par semaine dans toute l'Allemagne. C'est-à-dire que si vous alliez chez le Maxime Berlin de Berlin et que vous demandiez un beefsteak frites, eh ben on vous le servait pas. On vous servait du goulash, la ratatouille, quoi, le ragoût national. Et puis on sentait qu'il y avait des privations et puis ils se préparaient. Vous savez, ça n'est un secret pour personne. Le petit gamin allemand, il joue avec un fusil. Ils sont très guerriers, ils sont très d'abord disciplinés. Et c'est une de leurs grandes qualités. Parce que figurez-vous que j'ai été la seule femme française à assister, avec ma copine qui était la maîtresse d'un haut magistrat, au procès de Nuremberg. Eh bien, figurez-vous que lorsque j'ai assisté à ce procès de Nuremberg, Nuremberg était rasé complètement, à part une maison, et ça c'est miraculeux, car on peut dire une cathédrale reste debout, intacte, parce qu'ils savent. Mais la maison, parmi les autres maisons qui étaient intactes, la maison de Dürer, à Nuremberg, ça c'était quelque chose c'est magique, c'est fou, vous savez, ça me donne la chair de poule d'évoquer ce souvenir. Et après je suis revenue pour Lola Montez, des années après, eh bien, tout Nuremberg était reconstruit avec les pierres qu'ils avaient grattées, qu'ils avaient nettoyées. On a reconstruit Nuremberg, ce joyau de l'Allemagne. Exactement comme ça. Ce sont des gens extrêmement courageux. Et ils nous le prouvent maintenant, hein. On peut prendre modèle sur eux, sur bien des choses. Parce que vous étiez justement en Allemagne avant la guerre de 40. Ben, j'ai tourné comme tous les comédiens à la fameuse Oufa qu'on vient de racheter. Là, ce sont les sucres, je ne sais pas quoi, qui a racheté ces merveilleux studios qui sont splendides. C'est une ville, c'est merveilleux les studios de la Oufa. Et alors on tournait les deux versions. Nous tournions la version française et la version allemande, avec tous les techniciens français qui venaient de Paris, et tous les techniciens allemands. Alors ça durait des mois, et nous étions très, très, très, très bien payés. Moi, je me souviens, à côté des studios, à Neubabelsberg, là, il y a une auberge fameuse, j'ai vidé la cave. J'ai bu tout le Gewürztraminer qui était dans la cave. Quand je suis partie, on m'a dit « vous avez tout bu ». Je buvais facilement ma bouteille à moi toute seule à chaque repas. Vous aimiez bien manger aussi ? Ah bah oui, mais vous savez, il ne suffit pas de dire « vous aimez bien manger », il ne faut pas se goinfrer, il faut bien le dire. Moi j'aime manger, mais en petite quantité et varier les plaisirs. Avec Gabin, par exemple ? Ah bah avec Gabin et puis beaucoup d'autres. Mais Gabin, oui, il m'a fait une superbe dédicace à Paulette la Bouffetance. Oui, chaque fois que j'arrivais sur un plateau, il me disait « ah, tu sais, la môme, j'ai trouvé un petit bistrot. » Eh oui. Je sais pas, ils viennent d'ouvrir un musée. Il y a peut-être même pas une photo de moi dans le musée, si ça se trouve. J'ai pas été conviée. Aïe, moi, je lis pas les journaux. J'ai horreur de lire les journaux. J'ai jamais lu un journal de ma vie. D'abord, ça salit les mains. Et il y a que des horreurs dans les journaux. Si on parlait d'amour, je les lirais. Pendant la guerre, à propos d'horreur, oui. Vous êtes resté très à l'écart. Vous n'avez pas joué pendant la guerre. Ah ben non. Parce que justement, tous ces mecs que j'avais connus à Berlin sont venus ici pour monter la Continental Film. Quand je suis arrivée dans leur bureau, là, aux Champs-Élysées, que j'ai revu tous ces mecs, je me suis dit, mais qu'est-ce que vous foutez ici ? Je me souviens très bien leur avoir dit « Oh, bah, de toute façon, vous n'êtes pas là pour longtemps. » C'était au début de la guerre. Bon, alors évidemment, je n'ai pas été reconviée, disons. Mais ça m'a été égal parce que j'en ai profité pour faire ma fille, d'abord. Et puis, je vous dis, je me suis occupée d'antiquité, qui était un métier que j'aimais énormément. Et j'ai un atavisme d'une arrière-grand-mère qui était antiquaire. Et là, j'ai gagné, je gagnais bien ma vie aussi avec ça, parce que je fourguais ma marchandise à des mandataires des Halles qui avaient gagné beaucoup d'argent au marché noir. Comme je connaissais tous les gens des Halles, après avoir tourné La Rosière des Halles, vous voyez, je bifurque un peu. Hein. Non, pour faire votre fille, vous prenez un amant alors que vous avez un mari. Un amant, c'est beaucoup dire. Un monsieur qui m'a rendu un petit service. D'ailleurs, nous étions trois en même temps enceintes du même homme. Et j'ai raconté ça à Bourville qui m'a dit « Mais dis donc, on en fait un film de ton histoire » et il en a fait les talons. Vous aviez un mari, mais bon, ça c'était... Un mari merveilleux que j'ai adoré, qui était beau comme un soleil. Que ma mère, le premier jour, quand elle l'a vu, lui a dit « Ah ben, vous ne me plaisez pas du tout. » Mais enfin, ma fille vous veut, c'est son affaire, et puis le divorce, c'est pas fait pour les chiens. Allez, à table. Voilà comment elle a accueilli l'homme qui devait devenir mon mari. Et je savais à l'avance qu'il aurait lui aussi fait faillite, parce que mon beau-père, mon futur beau-père, nous l'avait dit, crié, écrit, en disant « Si vous voulez que votre fille aille en prison, elle a qu'à épouser mon fils. » J'ai épousé quand même et j'ai eu un mariage superbe qui m'a bien fait rigoler quand Prévert et toute la clique ont découvert la colombe d'or. Moi, je me suis mariée à la colombe d'or à Saint-Paul-de-Vence un 25 décembre en 1936, à la colombe d'or à Saint-Paul-de-Vence. Et il y avait 40 et quelques personnes, j'ai retrouvé la facture dernièrement. Logement, la bouffe et tout, 25 000 balles pour tout, c'était... Enfin, c'était de l'argent à l'époque, puisque ma maison, je l'ai payée le prix d'une robe aujourd'hui. Et puis que je suis imposée sur la fortune. Pourquoi vous n'avez pas eu d'enfant ? Ah, une bonne question, là, 1000 francs, ça. Pourquoi j'ai pas eu d'enfant avec mon mari ? Eh ben, parce que ça n'a pas collé avec lui, puisqu'il était veuf et qu'il avait des filles, deux filles qui lui ressemblaient comme deux gouttes d'eau qu'il pouvait épargner. Eh ben, avec moi, ça n'a pas collé. Allez savoir pourquoi. J'ai demandé à mon gynécologue, en revenant en France, m'a dit « Moi, je vois pas du tout pourquoi tu peux pas avoir d'enfant, t'es bien foutu, t'as tout ce qu'il faut pour. » Et il m'a demandé si je retournais avec mon mari. J'ai dit « Ah non, il y en a rien de mort, ou ma mère ou lui. » J'ai dit « Non, non, ça c'est fini. » Eh ben, prends un amant. Et je regardais les mecs dans la rue qui avaient les yeux bleus, parce que je voulais une fille aux yeux bleus, blonde aux yeux bleus. Et j'ai trouvé la Denis, le prototype du monsieur qui était rêvé pour vous faire un enfant. Et qui s'appelait Maurice Dokuzen, président des entraîneurs. Et ce monsieur était un séducteur, en fait. Ah oui, un grand séducteur. Mais vous lui avez demandé de vous rendre un service. Oui, je ne le voulais pas dans la vie, parce que très cavaleur. Mais quand on est beau, il faut en profiter, hein, et en faire profiter sur tous les autres. Hein. Mais alors vous dites que c'est à cause de vous que les femmes peuvent reconnaître leur enfant, même en étant mariées, que vous, j'ai fait jurisprudence à ce moment-là, oui. Et vous avez dîné à côté d'Hitler ? Ah oui, c'est un grand moment historique, ça. Eh oui, j'ai dîné à côté d'Hitler, à la faveur d'une circonstance... très particulière. Et pourtant, vous n'étiez pas du tout pour Hitler. Enfin, je veux dire, vous étiez loin d'être... Ouais. Ah ben non. Non. Ni pour sa suite, parce que j'en ai vraiment beaucoup souffert. C'était donc juste avant la guerre, Paulette, c'était à Berlin, et vous écrivez « Un soir, invité à un dîner de gala en l'honneur du cinéma français, j'entre dans la salle, je cherche ma place, je lis les cartons, rien. Tout le monde était déjà assis quand j'ai compris qu'on avait oublié la Frolaine du Bost. Niche place pour me poser. Je m'en allais quand un gars m'a happé devant la sortie et m'a installé d'autorité à cette immense table en fer à cheval. Il n'y avait que deux places inoccupées et Hitler est arrivé. » Je m'y suis retrouvée à côté de lui. J'ai ensuite appris que je remplaçais une grande comédienne allemande, Renate Müller. Elle s'était suicidée le jour même et on répétait que c'était la maîtresse d'Hitler. J'ai serré la main à ce mec, Fräulein du Bost. Très exalté, il ne tarissait pas d'éloges sur la France. Il est parti avant la fin du dîner, il n'a rien mangé, rien bu. Ça m'a frappée, il avait peur qu'on l'empoisonne. En tout cas, je ne peux pas dire que je lui avais tapé dans l'œil. Artistiquement, Hitler était nul. Ça, voyez-vous, ça je peux vous le dire, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup souffert de l'occupation à Paris. Beaucoup. car vous, vous êtes jeune et vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'était que Paris vide, mais vide, les Champs-Élysées sans une voiture, sans rien du tout, et de voir cette troupe allemande tous les jours au pas de loi, et puis il y avait des drapeaux avec des croix gammées dans tout Paris, et puis des grandes pancartes écrites, des directions en allemand et tout ça, c'était affreux. Puis on n'avait rien à bêter, hein. Moi, je rapportais un kilo de patates des Halles, car j'allais tous les matins au Halles à bicyclette, hein, avec des sacoches, et on me fourguait des trucs dans mes sacoches, je ne savais pas ce qu'on me mettait, parce que je m'étais fait des tas de potes au Halles pendant le tournage de mon film La Rosière des Halles. Mais, vous savez, moi, j'apportais un kilo de patates, le Messie, hein, faut pas oublier ça. On en a bavé pendant 5 ans. Songez qu'ici, dans cette maison, on n'avait pas de chauffage, on a brûlé des portes, les rallonges de la table, c'était affreux. Il y avait des stalactites après l'armoire normande de ma mère dans sa chambre. Un radiateur avait éclaté là, au dernier étage, et ça a été très grave. On a souffert beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Beaucoup. Vous avez toujours habité dans cette maison ? Ben, pas toujours, non, je l'ai acheté en 35. Mais avant, nous étions dans un endroit adorable aussi, l'avenue des Chalets, dans le 16e, qui donne dans la rue du Rhin-de-Lag et dans la rue de l'Assomption. Et j'ai toujours aimé une maison où on était tout seul. Et puis quand j'ai acheté ma maison, mon mari avait de la famille, moi j'avais toute ma smala, j'avais tout le monde, alors il fallait que ce soit grand, hein. Il fallait loger tout ce petit monde. Parmi les comédiens que vous avez rencontrés, lesquels vous ont le plus touché, vous ont le plus pour lesquels vous avez... Les hommes. J'aime les hommes beaucoup. Beaucoup. J'ai un grand faible pour les mecs. Les mecs comédiens ou les mecs tout les court? Les mecs tout court, j'aime les hommes. Ah oui, ça... Oui, j'aime... Il m'arrive dans la rue, quand je vois un beau garçon, de lui dire... Et j'aime voir un beau garçon, comme j'aime voir une jolie fille aussi, je le lui dis. Parce que c'est tout de même agréable d'être... Mais par exemple, quelqu'un comme Fernandel ou Rému, est-ce que... Ah bah oui, ça, Fernandel, c'était un être adorable. J'ai tourné, je crois, je sais plus, 7 ou 8 films avec lui. J'ai fait mon premier film, je crois, avec lui, L'ordonnance de Maupassant. Et quelqu'un m'a dit qu'on avait retrouvé le film, et comme c'est un film d'époque, je pense qu'il va ressortir, comme on ressort Bécassine. Il y a une gourde l'autre jour à la télé qui a fait une émission, je suis tombée là-dessus, qui a débiné Bécassine en disant qu'elle était gourde. Il faudra que je retrouve qui c'est, parce qu'il faut absolument que je lui montre son erreur à cette pauvre bonne femme. Elle dit que Bécassine était une idiote, alors que Bécassine est précurseur, elle va dans la lune, elle invente des tas de choses. Et dans le film que j'ai tourné Bécassine, les inspecteurs de police ne trouvent pas les voleurs. Et qui est-ce qui trouve les voleurs? C'est Bécassine. D'ailleurs, les Bretons sont revenus de leur erreur, hein, parce qu'ils nous ont fait des tas d'ennuis pendant le tournage. Hein. Bécassine, c'était à quelle année? Vous l'avez tourné? Ah ben, après la guerre aussi, dans les années après la guerre. Vous savez, à l'époque, ça n'avait pas eu beaucoup... J'ai tellement tourné... Ah ben, ça a été interdit par les Bretons. Mais le fait que ce soit interdit, le film a très bien marché. Mémoire du siècle, Paulette Dubost. Aussi dans votre livre de Harry Bor. Ah bah oui, Harry Bor, ça a été une chose de la guerre, parce que c'était un ami du père de ma fille. Harry Bor avait la plus belle propriété de Maison Lafitte, qui a été automatiquement prise par le général de la Gestapo là-bas, et on lui avait laissé le petit pavillon des concierges. Alors, il habitait dans le petit pavillon des concierges. Et un soir, à la faveur d'un gala que j'avais organisé avec l'Arquet pour la Croix-Rouge, Harry Bourne nous a dit, le commandant, le colonel machin chouette, nous prête ma salle à manger pour recevoir les comédiens après le gala. Et c'est là où il y a eu le fameux drame que je raconte dans mon livre. Vous racontez, Paulette, donc que Maurice, le père de votre fille, qui vendait des chevaux aux Allemands, arrive en retard à la soirée de Harry Bourne et annonce d'un air triomphant qu'une fois de plus, il a trompé les Allemands en leur vendant de vieux chevaux pour des bêtes de concours. D'où évidemment, perquisition dès le lendemain, Maurice est embarqué, Harry Bourne essaye 1000 démarches, dites-vous, pour le sortir de là. Maurice d'ailleurs s'en sort parce qu'il avait beaucoup d'argent et qu'il a pu payer. Quant à Harry Bourne, il avait fait croire aux nazis qu'il n'était pas juif, mais du jour où ils l'ont su, il est mort en prison, très vite, en 1943. Et vous écrivez, autant il avait été le roi parce que les Allemands l'appréciaient dans ses films, autant il avait dégringolé. On était quand même ravis de voir qu'il leur avait menti si longtemps et si bien. Tous les films que vous avez tournés, toutes les pièces de théâtre, vous n'avez jamais eu plaisir à le faire. À l'entracte, je me disais, j'ai gagné tant. Au deuxième entracte, j'ai gagné tant. Et à la fin, je me disais, si je pouvais me tailler avant le baisser de rideau, je le ferais bien parce que j'aime me coucher de bonne heure, en plus. Mais les boîtes de nuit, j'ai horreur de ça. Et ma mère adorait ça, elle y était tous les soirs. Alors des fois, j'y allais avec elle, mais contrainte et force, et elle me traînait dans les boîtes de nuit. C'était l'époque des boîtes de nuit. Où il y avait des Donc le plaisir de travailler, de réussir votre rôle, de bien jouer, tout ça, d'être avec des bons réalisateurs, ça vous... Non. J'aimais la compagnie des techniciens plutôt que des artistes. Et j'ai gardé de très bonnes relations avec beaucoup de techniciens. J'aimais l'amitié des humains, des gens qui travaillaient avec moi. Mais le métier par lui-même, non, j'ai jamais eu de satisfaction. Vous étiez comédienne naturellement? Mais comme tout le monde. Croyez que vous n'êtes pas comédienne? Écoutez, la bonne femme qui vend la salade au marché, venez donc voir ma belle laitue, vous croyez pas que c'est une grande comédienne? Je reprends la phrase que vous avez citée tout à l'heure de Sacha Guitry, tout le monde est comédien à part quelques artistes. À part quelques artistes, oui. Quels seraient les artistes d'après vous? Oh, écoutez, donc, qui ne sont pas comédiens? Ben écoutez, je vais vous faire un aveu. Tous les comédiens actuels sont merveilleux, hommes et femmes et de tous âges. Il y en a des merveilleux, mais tous. Quant aux réalisateurs, je ne regrette qu'une seule chose, c'est de ne pas débuter aujourd'hui. Voilà. Paulette, la vie, c'est court. C'est court, si la vie, oui. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous referiez? La même chose. Exactement. Exactement. Mais avec un peu plus d'amour. J'étais faite pour être une grande amoureuse. Et je le suis toujours, d'ailleurs. Je tombe amoureuse tout le temps. J'étais amoureuse. Moi qui n'ai jamais rien envié dans la vie, j'ai envié Simone Signoret d'avoir la grande chance d'être avec Montand. J'étais amoureuse d'Yves Montand le premier jour où je l'ai vu, c'est-à-dire quand il est arrivé à Paris et qu'Edith me l'a présenté. Edith Piaf. C'était une grande amie. Ah oui, c'était ma grande... dans le métier, ma grande copine, ça a été Edith Piaf. Là, elle était, ouais. Elle était très humaine, elle était très... Ah, elle était merveilleuse, extraordinaire. Puis une grande amoureuse, hein. Donc elle savait les choisir. Le plaisir pour vous, c'est l'amour? Oui. Ah oui. Je trouve que les gens qui ne sont pas amoureux passent à côté de tout. Parce que c'est très agréable d'être aimé. Très. Mais ce qui est surtout agréable, c'est d'être amoureux. De se dire, il n'y a plus qu'une heure, il n'y a plus que 10 minutes. C'est merveilleux. Je plains beaucoup les gens qui ne sont pas amoureux, comme je plains beaucoup les femmes qui n'ont pas d'enfants. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet, changeant de sauterelles, de papillons et de rainette. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes. C'était Mémoire du siècle, Paulette Dubost, une émission d'Eliane Contini. Mixage Geneviève Nguyen, réalisation André Mathieu. Paulette Dubost a publié chez Flammarion un livre de souvenirs intitulé « C'est court, la vie ». Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 novembre 1992. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ». Un jour on hérite, on désire aussitôt acheter bien vite une superbe moto. Conduite intérieure ou bonne idée nerveux, on hésite des heures sans savoir ce qu'on veut. Il ne faut pas se montrer trop difficile, on ne met pas toujours dans le mille. On rêve d'hispano et de placard et l'on dédaigne la rosingarde. Prendra-t-on cette carrosserie splendide ce châssis plus solide? On dévore des tas de prospectus et finalement on saute dans l'autobus. On cherche la gloire, on veut voir sa photo avec son histoire dans tous les grands journaux. Et l'on s'ingénie pour lire noir sur blanc que l'on a du génie ou du moins du talent. Il ne faut pas se montrer trop difficile, on ne met pas toujours dans le mille. Pourtant on fait des pieds et des mains, on fait même un travail de romain. On apprend la danse acrobatique, la tragédie, la musique. Mais pour ne pas se laisser oublier, on se décide à perdre son collier. On est exigeante, on rêve d'un Apollon, mais on se contente d'un brave et bon garçon. On cherche l'héritière de 2 ou 3 millions, finalement on préfère le cœur de Mimi Pinson. Il ne faut pas se montrer trop difficile, on ne met pas toujours dans le mille. Pourquoi rêver de châteaux royaux? Nous aurons une bicoque près de l'eau. Nous n'aurons pas de lévrier splendide, mais un bon toutou candide. Au lieu de cramer dans une sanchon, nous serons mieux à deux sur une moto.